Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Le Stone Rock Show. Émission Olive. Et salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission Dirty Rock Party Show que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Petit relooking du générique au passage, la sirène commençait à me taper sur le système. Dites-moi dans les commentaires sur Facebook ou Insta si tu préfères celui-ci ou si on remet l'apocalypse. J'attends ton avis. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes. Mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classique rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et krautrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de ce Stone Rock Show épisode 23, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock et de la pill session. Allez, let's go, on commence cette émission avec la série Destroy et les punks français de Warm Gum et le titre Chinese Gangster, extrait de leur seul et unique EP sorti en 1977 chez Isadora Records. John Peel passait souvent des groupes de punk français dans ses émissions à la fin des années 70. Je te passerai ensuite Pills, chanson du groupe punk britannique The Lurkers, sortie en 1978, en face B du single I Don't Need to Tell Her. C'est une chanson rapide et énergique qui traite de la dépendance aux médicaments et de l'effet négatif qu'ils peuvent avoir sur la vie d'une personne. On enchaînera avec Things in General, chanson du groupe punk britannique The Prefect, sortie en 1978. C'est une chanson minimaliste qui parle de la vie quotidienne et des frustrations que l'on peut ressentir. Les paroles sont simples et directes, reflétant l'état d'esprit punk de l'époque. Ce titre est la face B du single Going Through the Motions. Et on terminera cette première série avec Bang Bang, chanson du groupe pop rock britannique Squeeze, sortie en 1978. C'est un morceau up-tempo qui parle d'un amour passionnel et dangereux. La chanson a été écrite par le chanteur principal du groupe, Glenn Tilbrook, et est considérée comme l'un de ses meilleurs morceaux. Tu peux retrouver ce titre sur leur magnifique premier album, sorti en mars 1978 chez A&M Records. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's Not Dead. Shelter. I stopped running to the door. Well, now you can plan for more. I thought she was a kind of girl, a pretty pictures girl. And if I didn't do just what she told me, she'd be I say, baby, if you wanna stay, you got to care, that is the way. Now teacher has a rapture. Really good jokes for my head, yeah. She says, my Chinese doctor don't have to wait any longer. We got to out of this job, cause I'm a cure of the face. I thought she was a kind of real Capri inches girl. And if I didn't know just what you told me, she'd cry. I said, baby, if you wanna stay, you must be clear, that is the way. C'est un bordel. Things in general, action packed. Things in general, bring Show. Émission Olive. Deuxième partie du Stone Rock Show avec Rich Kids, groupe de rock new wave britannique formé en 1977. Il était composé de l'ex-guitariste de Generation X, Steve Jones, et du bassiste Glenn Matlock, qui était également membre fondateur des Sex Pistols. Le groupe était connu pour son style influencé par le punk et le glam rock, ainsi que pour ses paroles critiques sur la société de consommation et la culture populaire. Bien que Rich Kids n'ait pas connu un grand succès commercial, ils ont été considérés comme une influence pour de nombreux groupes new wave et post-punk des années 80. Je vais te passer deux titres de ce groupe que j'adore, Young Girls et Empty Words, enregistrés à la BBC en 1978. On enchaînera avec les punks irlandais Cobra et leur seul et unique 45 tours Looking for a Lady, sorti en 1978 chez Ripoff Records. Quand je te disais qu'il y a du collector dans le Stone Rock Show, je ne te raconte pas de conneries. Et on terminera cette série avec le Wire de la semaine, Heartbeat, toujours extrait de Chair Missings, sorti en 1978. Nadine Mouk, Nadine Babek. Yeah, empty words are all.

Rock Show. Émission d'Olive. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock, passé sur les radios british en 1978, et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie de l'émission avec Dead or Alive, chanson du guitariste punk rock américain Johnny Thunder, sorti en 1978. C'est un morceau de rock'n'roll classique qui parle de la vie dangereuse et incertaine d'un musicien de rock. La chanson a été écrite par Johnny Thunders lorsqu'il était membre du groupe New York Dolls et est souvent considéré comme l'un de ses meilleurs morceaux. Johnny Thunders était connu pour son style de jeu de guitare raw et décadent, ainsi que pour son attitude punk rock provocatrice. Je te diffuserai ensuite Bebop Deluxe et le single Electrical Language, sorti en 1978 chez Harvest, et que l'on peut également retrouver sur leur cinquième et dernier album studio, Dractic Plastic. On enchaînera avec le groupe School Mills et le titre Headmaster. Alors aucune info sur ce groupe, à part que c'est le seul et unique single sorti en 1978 et que leur manager était Terry Hall, le chanteur du groupe The Specials. Et on terminera cette série avec un grand classique, I Hear You Knocking, chanson de Dave Edmunds, un chanteur, guitariste et producteur de rock britannique. La chanson est écrite par Dave Bartholomew et Pearl King et a été enregistrée pour la première fois par Smiley Lewis en 1955. Dave Edmunds a sorti une version de la chanson en 1975 qui a atteint le numéro 2 au Royaume-Uni et a été un grand succès dans d'autres pays. I Hear You Knocking est considéré comme un classique de la musique rockabilly et est souvent considéré comme l'une des meilleures interprétations de Dave Edmunds. La chanson est connue pour son riff de guitare entraînant et son refrain accrocheur, ainsi que pour son style musical qui incorpore des éléments de rockabilly, de R&B et de country. Finally happened to me. slip. Messages, they never reach out. for keeps. They wanna do you. Work out in the rain. Tell ya, some teachers eat just you like bricks. You wouldn't believe it, that's how bloody thick. Seems like ages. Oh, 6 foot girls. They look like they could eat ya. If I'm not careful, I'm gonna lose me wages. Ma chère amie, j'ai longtemps hésité à vous le dire, mais cette fois-ci, je n'y tiens plus. Merde, chier, con. We'll be right back. le Stone Rock Show. L'émission d'Olive. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show avec George Thorogood, musicien de blues rock américain né le 14 décembre 1950 à Wilmington, Delaware. Il est surtout connu pour son style de guitare énergique et sa voix grave, ainsi que pour ses performances scéniques énergiques. Thorogood a commencé à jouer de la guitare à l'adolescence et a formé son premier groupe, Josh Thorogood and the Destroyers, en 1974. Le groupe a sorti son premier album éponyme en 1977 et a rapidement acquis la réputation en tant que groupe de scène. Thorogood est surtout connu pour ses reprises de classiques du blues et du rock, tels que Bad to the Bone, Who Do You Love et Move It On Over, ainsi que pour ses interprétations originales telles que I Drink Alone. Au fil des ans, il a également collaboré avec de nombreux musiciens de blues et de rock, tels que John Lee Hooker, Bo Diddley et Hank Williams Jr. Au cours de sa carrière, Thorogood a vendu plus de 15 millions d'albums dans le monde entier et a été nominé pour plusieurs Grammy Awards. Il est considéré comme l'un des meilleurs musiciens de blues rock de sa génération et largement reconnu pour son impact sur la musique américaine. Thorogood continue de jouer et de produire de la musique aujourd'hui et est considéré comme un vétéran de la scène musicale américaine. Je vais te passer deux titres de son étonnant premier album, sorti en octobre 1977 chez Rounder Records, Can't Stop Loving et Medicine Blues. On enchaînera avec Brave Stranger, morceau de Bob Seger, compositeur, chanteur, guitariste et organiste rock américain. Né le 6 mai 1945 à Dearborn, dans le Michigan, aux États-Unis, et qui est extrait de l'album Stranger in Town, sorti le 5 mai 1978 chez Capitol. Et on terminera cette série avec un excellent Captain Beefheart, Hard Working Man, accompagné de Jack Nitzsche, et qui est sorti en single promo en 1978 chez MCA Records. Et bim, encore un collector. I can't stop loving, but maybe not. My baby lies, no matter what I do, she don't treat me right. Hey, baby, no, I'm all alone. Hey, baby, no, I'm all alone. And I know loving since you've been gone from home. But nobody else, and I can't stop loving my baby tonight. I can't stop loving my baby tonight. No matter what I do, she won't treat me right. My baby night, I can't stop loving my baby night. No matter what I do, she won't sock it to me right all night. We'll be right back.

no one standing over here. Conversation didn't mean much. We were hungry, but we could not fit. Radio blasting silly little love songs. We only listen for the beat. Taking our chances out there on the mean street. Hiding in the shadows from the heat. From the heat. We were lovers, just brave strangers. As we fought and we tumbled through the night, we were players, not a ranger. And we jammed till the dawn's early light. Swimming in the big lake, taking it easy, taking any comfort we could find. Didn't need the real truth, didn't need the meaning. Straight ahead, ignoring every sign. Every sign. Oh, I remember. I know you did too. Oh, that one evening. I know you did too. Baby. Moves high. The moon was flying high. We're hiding in the backwoods. Hiding out in the backwoods with a moon flying high. My hand was a shaking. My hand was a shaking. And I took my

Simplement amis du rock, en tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.